Section 57 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine, par Gustave Ducoudray. Section 57, la Constitution républicaine de 1848. La nuit du 25 au 26 juin se passa sans combat, mais on ne cessait de voir arriver les gardes nationales de la province. L'insurrection eut triomphé qu'elle se serait trouvée au bout de quelques jours devant une nouvelle armée accourue de tous les points de la France. Les insurgés venaient d'être délogés de leur dernier retranchement à la barrière Rochechouart, au clos Saint-Lazare, dans le haut des faubourgs Saint-Denis et du Temple. Le général Lamoricière s'avançait pour attaquer en flanc le faubourg Saint-Antoine, que le général Perrault devait attaquer de front. La trêve expirait le lundi 26 à 10h du matin. Lorsque 10h sonnèrent, les insurgés ne recommencèrent pas le feu. « Messieurs, dit le général à ses officiers, il ne faut pas se montrer trop rigoureux. Accordons encore 10 minutes de grâce. » Les 10 minutes écoulées, le général donna le signal de l'assaut, et au même moment, on entendait le canon de Lamoricière qui, de son côté, ouvrait le feu et s'apprêtait à envelopper le faubourg. Après une lutte vive mais courte, les barricades qui ferment l'entrée du faubourg sont enlevées et les insurgés battent lentement en retraite, protégés par les 65 barricades qui coupent la rue jusqu'à la place du trône. Mais, près d'être cernés, ils demandent à capituler et se rendent. Les communes de la Chapelle et de Belleville furent occupées simultanément. Celle de la Villette ne se rendit qu'à 7h du soir, après la prise d'une dernière barricade, à la barrière des Amandiers, où le général Courtigy fut blessé. On suspendit la plupart des journaux. Une loi rétablit le cautionnement. Le général Cavaignac fit arrêter et mettre au secret le rédacteur de la presse. L'Assemblée vota la transportation de la plupart des insurgés. Elle permit la poursuite contre ceux de ses membres qu'on accusait d'avoir trempé dans le complot du 15 mai. Elle flétrit, sur un éloquent rapport de M. Thiers, les doctrines subversives que Proudhon, 2 mois à peine après la révolte de juin, osait exposer à la tribune. Comprenant qu'il importait de raffermir le sol au plus tôt, elle termina rapidement la Constitution. Le général Cavaignac s'efforça de prévenir les excès qui auraient pu souiller la victoire. « Soldats, dit-il dans une admirable proclamation, soyez aussi grands dans le calme que vous venez de l'être dans le combat. Dans Paris, je vois des vainqueurs, des vaincus. Que mon nom soit maudit si je consentais à y voir des victimes. » Cette sanglante bataille, qui avait mis en péril la société, laissait dans Paris, sur les maisons, sur les églises, des traces nombreuses. Elle coûtait à l'armée 7 généraux tués. François, Bourgon, Damem, Regnault, Duvivier, Négrier, Bréat, et 5 blessés, Bedeau, Corte, La Fontaine, Fouché, Courtigy. Dans la crainte d'une nouvelle insurrection, le général Cavaignac maintint l'état de siège. On employa à des perquisitions les gardes nationales qui arrivaient de toutes les parties de la France. Les prisons et les forts ne purent contenir les insurgés qu'on avait arrêtés. Il fallut en renvoyer une partie. On en garda plus de 11 000. Lorsque le général Cavaignac vint déposer entre les mains de l'Assemblée ses pouvoirs extraordinaires, celle-ci déclara par un vote solennel qu'il avait bien mérité de la patrie. Puis, elle revêtit le général de l'autorité en attendant l'achèvement de la Constitution. La Constitution républicaine élaborée par l'Assemblée reproduisait les décrets du gouvernement provisoire qui abolissait la peine de mort en matière politique et l'esclavage. En cela, elle portait réellement l'empreinte des progrès de la civilisation. En outre, elle proclamait 2 grands principes, la liberté d'enseignement et celui du suffrage universel. Était électeur tout Français âgé de 25 ans. Une assemblée unique, composée de 750 représentants, souveraine, maîtresse d'elle-même, recevait le mandat législatif. Point de contrepoids. Car ce n'en était pas un que le Conseil d'État, élu par l'Assemblée elle-même et travaillant à la préparation des lois. Une sage disposition excluait de la Chambre tout fonctionnaire rétribué par l'État. Élu pour 4 ans, rééligible seulement après un intervalle de 4 années, le président de la République partageait avec l'Assemblée le droit d'initiative, disposait de la force armée sans pouvoir la commander en personne, était responsable et ne pouvait dissoudre l'Assemblée pour faire le pays juge entre elle et lui, négociait et ratifiait les traités qui ne devenaient définitifs qu'après approbation de l'Assemblée. La Constitution républicaine fut publiée solennellement le 12 novembre 1848, et bien qu'elle n'eût pas réglé toutes les questions, on résolut de la mettre immédiatement en vigueur. On fixa les élections pour la présidence au 10 décembre. Fin de la section 57.